Chapitre 23, page 173. Exercice 5. 1. Les touristes se précipitent dans cette pâtisserie, dont les macarons ont énormément de succès. Il y a même la queue. 2. Tu verrais Sylvette? Elle a 80 ans et elle porte encore des dentelles et du maquillage, ce qui est ridicule à son âge. 3. Aline a sorti des vêtements d'un carton. Ils y étaient restés 2 ans. Il faut absolument les laver et les repasser. 4. Ah zut, j'ai déchiré ma veste. Il faut que je trouve quelqu'un pour arranger ça. 5. Bon, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oh, ma pelote qui tombe! 6. Il faut que je trouve du fil de la même couleur que ce bouton.